Je n'en fais pas assez, j'en ai trop vu en faire des tonnes. Et cela m'ennuierait de toujours dire les choses quand l'évidence est là. Mais tout parle très bas, sans doute trop bas. Quand on aime, il faut crier. Je l'ai compris trop tard. Et quand tout s'achève, il vaut mieux se taire. Attendre la prochaine accalmie et partir d'un peu moins loin. La prochaine fois, je voudrais récupérer ces quelques fleurs abandonnées sur le champ de bataille. Permets-moi de sauver ce qui pourra redonner vie à un quelconque espoir. D'être compris, il faut mépriser les choses pour parvenir à les comprendre.